C'est au crépuscule que l'on aperçoit dans la brume de l'air somnolent les lueurs de ces êtres du mystère. Les lueurs de ces êtres du mystère flottant. Au détour d'un nuage, d'un rayon léger de leur conscience apaisée, léger de leur conscience apaisée, les libérés du monde, du règne des ombres. Que je me rassure presque envieux de les imaginer. Matelot.